Premier livre des Chroniques, chapitre 25. Et David et les chefs de l'armée mirent à part pour le service, d'entre les enfants d'Azaph, d'Héman, et de Jédutun, ceux qui prophétisaient avec des violons, des musettes, et des cymbales, et ceux d'entre eux qui furent dénombrés, étaient des hommes propres pour être employés au service qu'ils devaient faire, des enfants d'Azaph, Zakur, Joseph, Netania, et Azarela, enfants d'Azaph, sous la conduite d'Azaph, qui prophétisait par la commission du roi. De Jédutun, les six enfants de Jédutun, Guédalia, Tseri, Esaïe, Azabia, Matitia, et Simi, jouaient du violon, sous la conduite de leur père Jédutun, qui prophétisait en célébrant et louant l'Éternel. D'Héman, les enfants d'Héman, Bukija, Matania, Uziel, Sebuel, Jérimoth, Anania, Anani, Elijata, Guidalti, Romantiézé, Josbekaza, Malot, Otir, Maasiot. Tous ceux-là étaient enfants d'Héman, le voyant du roi dans les paroles de Dieu, pour en exalter la puissance, car Dieu donna à Héman 14 fils et 3 filles. Tous ceux-là étaient employés sous la conduite de leur père, au cantique de la maison de l'Éternel, avec des cymbales, des musettes, et des violons, dans le service de la maison de Dieu, selon la commission du roi donnée à Azaph, à Jédutun, et à Héman. Et leur nombre avec leurs frères, auxquels on avait enseigné les cantiques de l'Éternel, était de 288, tous fort intelligents. Et ils jetèrent leur sort touchant leur charge en mettant les uns contre les autres, les plus petits étant égalés aux plus grands, et les docteurs aux disciples. Et le premier sort échut à Azaph, savoir à Joseph. Le second à Guédalia, et lui, ses frères, et ses fils étaient 12. Le troisième à Zakur, lui, ses fils et ses frères étaient 12. Le quatrième à Jitsri, lui, ses fils, et ses frères étaient 12. Le cinquième à Netania, lui, ses fils, et ses frères étaient 12. Le sixième à Bukija, lui, ses fils, et ses frères étaient 12. Le septième à Jézarela, lui, ses fils, et ses frères étaient 12. Le huitième à Esaïe, lui, ses fils, et ses frères étaient 12. Le neuvième à Matania, lui, ses fils, et ses frères étaient 12. Le dixième à Simi, lui, ses fils, et ses frères étaient 12. L'onzième à Azaréel, lui, ses fils, et ses frères étaient 12. Le douzième à Azabia, lui, ses fils, et ses frères étaient 12. Le treizième à Subaël, lui, ses fils, et ses frères étaient 12. Le quatorzième à Matitia, lui, ses fils, et ses frères étaient 12. Le quinzième à Jérémoth, lui, ses fils, et ses frères étaient 12. Le seizième à Anania, lui, ses fils, et ses frères étaient 12. Le dix-septième à Josbekaza, lui, ses fils, et ses frères étaient 12. Le dix-huitième à Anani, lui, ses fils, et ses frères étaient 12. Le dix-neuvième à Malot, lui, ses fils, et ses frères étaient 12. Le vingtième à Elijata, lui, ses fils, et ses frères étaient 12. Le vingt et unième à Otir, lui, ses fils, et ses frères étaient 12. Le vingt et deuxième à Guidalti, lui, ses fils, et ses frères étaient 12. Le vingt et troisième à Maasiot, lui, ses fils, et ses frères étaient 12. Le vingt et quatrième à Romantiézé, lui, ses fils et ses frères étaient 12.